moment je suis pas trop là, mais frérot t'inquiète, je vais pas te lâcher. Je sais que ça me jalouse, ça m'envie, mais je suis comme ça, moi je vais pas me cacher. J'ai fait ce que j'avais à faire, je peux pas me rabaisser, moi je vais pas te clasher. Les armes, le buzz, le pouvoir, ouais maintenant tout s'achète. Le guitar a fait un gros trou, il dort gratuit assis sur la chaise. Tu m'as fait la bise et dans mon dos tu as parlé en traître. Alors, c'est comme un traître que je te traite. Je croyais que tu étais un bon et tout, mais j'ai vu que tu es un BDH en fait. Je suis gentil, mais un jour je peux vous niquer, ça faut que vous le sachiez. J'avais pas rien à la banque, Dieu m'a donné, moi je veux pas tout gâcher. Accumulation de problèmes dans ma life, merde, je veux pas finir perché. J'ai mal aux dents, ça me vient à la tête, je calme la douleur avec un cachet. À dire que dans le bloc, bloc, bloc, c'est la mort à sachet. Les soucis me rushent pour mon tas, ça me dérange, alors je me pète un pet. Quand petit frère est pas bien, je suis pas bien, quand maman s'inquiète, je m'inquiète. Je suis trop fier sans m'écouter, Pablo Picasso jusqu'au Minguette. On vit dans un monde de fou, tu donnes la force à Pretty, j'ai pas besoin d'aide. Au début, dit Jules, c'est le sang, je le connais, après ils retombent leur veste. J'aime trop la musique, j'ai plus de vie de famille, un jour il faudrait que j'arrête. Pour l'instant je continue, je peux te dire que c'est pas fini. Je fais un live, tu les vois faire le single sur le boulevard, ça caquini. Juste pas la gadis, elle veut faire des sous faciles et qu'elle veut tapiner. Tu dis à tout le monde que c'est une folle, mais toi tu l'as même pas pinée.